Fait qu'ils ont dit, c'est elle, final. Mais ils ont, je lui dis, ah, comment est-ce que je vais pouvoir parler avec cette femme-là? Ils ont dit, avec le temps. 7 ans. Fait qu'au bout de 7 ans, ben, j'étais à la même longueur d'onde. Mais c'est parce que j'avais le discernement. Tu peux pas t'imaginer des gens fonctionnent de même. C'est pas normal. Non. À moins d'avoir une connexion pis une fusion. Mais si j'avais pas eu la fusion pis la connexion pis je l'aurais rencontré, je l'aurais pas rencontré. Parce que j'aurais aimé avoir une femme intellectuelle qui parle beaucoup, papa. Tu sais, d'autres considérations. Mais comme j'étais dans le discernement pis que je fonctionnais en relation avec l'avenir et qu'eux autres connaissaient, pis que j'étais fusionné, mais j'ai passé par ça, est arrivé à un niveau de vibration qui est équivalent au mien. Fait qu'aujourd'hui, bon, on vit un couple. On a créé un couple. À ce moment-là, ta volonté, c'était de l'épouser aussi? C'est que l'épouser? Non, c'était pas ma volonté. Non, c'était pas ma volonté. Ben, tu dis que ça fait un, à un moment donné, cette affaire-là. La volonté, pis tout, avec j'ai ils ont imposé ça. J'ai subi le clan ça faisait de la conscience supramentale. Ça faisait partie de ton une initiation, ça? Non? Non, parce que j'ai jamais souffert de ma femme. Mais elle a souffert de moi. Pour être amené vibratoirement à un taux de vibration qui pouvait correspondre. Comprends-tu ce que je veux dire? Ils ont choisi quelqu'un qui était capable de le prendre. Eux autres le savaient, moi je le savais pas. Fait que si j'avais été soumis aux accidents de la vie parce qu'elle avait des grosses boules ou des belles jambes, ou je sais pas, moi, comment les gens se rencontrent. À ce moment-là, j'aurais frappé un nœud quelque part. Ouais. Autrement dit, je l'ai pas marié pour des conditions matérielles ou sentimentales ou émotives. Quand elle me demandait, m'aimes-tu, je disais, t'as vu que ça veut dire ça. Là, j'étais obligé de leur demander. Parce que je pouvais pas être en amour. Tu peux pas être en amour quand tu es sur le mandat. Mais elle, ça crée des tensions. Tu sais, quand t'as un mari ou t'as un chat, c'est normal, la femme, elle dit, tu m'aimes-tu? Tu veux dire, qu'est-ce qu'ils disent, là? Mais ça, c'est des conditions initiatiques. Mais qui prouve que quand l'homme fonctionne en relation avec le discernement, éventuellement, tu le crées, le couple. Puis à ce moment-là, c'est indestructible, le couple. Mais c'est qu'il y a du discernement. Mais les gens qui s'accoupent en relation avec des accidents de parcours de vie qui font partie de leur expérience, qui sont bons. Mais quand tu dis tu le crées, le couple, là. Quand tu dis tu crées le couple, c'est pas le couple que la société nous crée, là. Parce que quand tu maries, là, tu rentres dans la forme du couple que la société t'a donné. Oui. C'est un couple, ça. Oui. Et ce couple-là, il pète au fait. Il est quoi? Il pète au fait, il fait ça. Il éclate. Okay? C'est pour ça qu'il y a des gens, par exemple, qui vont venir ici. Moi, je crois, j'ai des gens dans ma clientèle qui viennent te rencontrer. Puis ils vous disent, ben oui, mais mon mari, ça marche plus. Toi aussi, t'as donné des influences que tu mets là-dedans. T'as donné des noms. Mais ça marche plus. Pas parce que ça marchait avant, c'est qu'il n'y avait pas de conscience que ça marchait pas. Puis là, il donnait une conscience. C'est ça. Puis quand tu dis les couples, je dis les couples, c'est pas toujours ce qu'on voit. C'est pas parce qu'un gars et une femme vivent ensemble que c'est un couple, non. C'est pas ça la forme du couple, c'est pas la maison extérieure qui abrite le couple qui a la forme du couple. C'est le contrat vibratoire que j'en avais dit, ou la vibration qui parle. Un couple, c'est un contrat vibratoire. Un couple, c'est essentiellement un contrat vibratoire. C'est seulement dans un contrat vibratoire qu'un couple est uni dans ce que j'appelle moi, l'amour, ou la conscience, si tu veux. Puis où les deux individus sont totalement autonomes. Mais sont autonomes dans une conscience. Sont pas autonomes dans le sens qu'un peut faire ce qu'il veut, puis l'autre peut faire ce qu'il veut. Parce qu'à ce moment-là, t'as plus besoin de ça, t'es déjà totalement harmonisé. Ben oui, quand t'as la vibration de l'autonomie, c'est pas ce que tu veux. C'est ça, exactement. C'est subtil, l'affaire du couple. Je suis content d'en parler. Parce que c'est le problème de bien du monde, l'affaire du couple. Puis c'est subtil, l'affaire du couple. Parce qu'il y a des gens qui me comprennent pas. Il y a bien des gens qui comprennent pas, mais t'es envoyé. Il y a bien des gens qui me comprennent pas, parce que j'ai pas d'énergie à parler de ça. Il y a bien des gens qui comprennent pas ce que je veux dire. Là, j'ai fait une cassette, là. J'ai un titre, là. T'es mieux tout seul. T'es mieux vivre tout seul. T'es mieux heureux seul que malheureux à deux. Je pense que je ne mettrai pas, je passerai pas tout de suite dans la conférence, celle-là. J'ai un peu sacré des fils de mèche. Parce que les gens, ils vont pas comprendre ce que je veux dire. Ils vont comprendre ce qu'ils veulent dire. Ils vont comprendre ce qu'ils veulent comprendre. Oui, c'est ça. C'est ça. Ce que ça fait leur affaire. Oui. C'est ça. Ils vont dire, Bernard, nous dit, on se fait. Qu'est-ce que ça va? Ça me retombe tout sur la tête. Oui, c'est Bernard qui a dit. Ça lui fera pas de tort, c'est pas le point. C'est que ça crée des discordances pour rien. Je veux que les gens comprennent ce que je veux dire. C'est l'affaire de discernement. Là, c'est ce que je vais faire au niveau des couples, des affaires de couple, je te les envoie toutes. On m'a toutes les envoyées, des affaires de couple. Ce qu'il a parlé tout à l'heure, là, son problème d'argent, tu viens d'y régler. Ouais, mais, tu sais, ça m'a toujours frappé, moi, des fois, tu sais, quand je vois des couples qui arrivent, là, le problème, c'est qu'elle, elle aime un autre. Lui, en aime un autre. Moi, la force qui me vient tout le temps dans ma tête, c'est marqué dans l'évangile, je leur dis, c'est marqué dans l'évangile, c'est supposé être pratiquant, croyant. C'est marqué, aimez-vous les uns les autres. C'est pas marqué un à la fois. Ouais, mais. Je comprends-tu la différence entre l'amour qui est une vibration, puis le sentiment qui, ben, toi, tu comprends la différence, mais le sentiment qui est une vibration. C'est ça qu'il faut le monde. Aimer, c'est de l'énergie. T'en as ça amplement pour aimer tout le monde. Mais aimer tout le monde énergétiquement, c'est pas se laisser dominer par personne. C'est pas le grand amour avec une personne. Il va bien falloir finir par vivre ensemble un jour, mais ça n'a pas d'allure. La lumière, elle va se mêler. La lumière de nos âmes, elle va finir par sortir des Jours. Mais les gens sont pas rendus assez mentales pour ça. Non, je le sais que ça. Mais sauf, par exemple, dans la vie complète, ça arrive, ça, hein? Oui. Que tout d'un coup, tu sais pas que t'en aimes un autre. Oui. Puis tu fais peut-être pas le choix sur ça. Oui. Puis il y en a des personnes qui le vivent, ça. Oui. Mais je vais te dire une chose concernant ça. Par les vibrations. C'est plus facile que ça soit toi qui dise ça que moi. Parce que moi, si je dis ça, moi, si j'explique aux gens la forme, la patente de la forme, les gens automatiquement me comprennent pas parce que je fais d'une certaine façon. Puis j'élimine tous les petits détails psychologiques qui entourent la compréhension. Tandis que toi, si tu expliques ça, tu vas maintenir les petits détails psychologiques qui enferment la compréhension. Mais les gens ne te prendront pas d'une façon aussi absolue que moi, ils vont me prendre. Fait que ça permet à ces gens-là d'arriver à comprendre plus facilement ce que je veux dire d'une façon absolue que s'ils le prennent directement de moi. Comprends-tu? C'est dans ce sens-là que des gens comme toi et puis d'autres peuvent faciliter la compréhension disciplinaire concernant des aspects de la vie tous les jours qui sont très sujets à la mauvaise interprétation. Puis moi, je me donne assez de misère avec cette petite gang-là, sans avoir de la misère en plus avec quelqu'un qui vient nous aider. Oui. Puis on a moins... Je sais qu'il y a des personnes qui ont de la misère à comprendre ça, parce qu'ils peuvent retourner de bord. Je me souviens, moi, de la journée au mois de juillet, tu as dit quelque chose au sujet du couple, puis moi, de la façon que tu l'as dit, j'étais pas d'accord pas en tout. J'ai pas écouté, tu as dit « je parle pour toi ». Pis je comprenais ce que tu voulais dire, mais je te dis que ça rentrait pas en tout comme ça, de la façon que tu le disais. Tu comprends-tu? Mais ça, il y a eu des feedbacks aussi là-dessus. Ouais, pis je suis rendu à un point, là, moi, vous le dire, là. Je suis rendu à un point où j'ai très fermement l'intention de plus perdre d'énergie. Je veux parler, je veux avancer, mais je veux plus perdre d'énergie, puis je veux plus subir de feedback. Je veux plus en subir de feedback. Fait que si les gens comprennent pas telle chose, je vais dire, va voir un tel. S'ils comprennent pas telle autre chose, je vais dire, va voir un tel. S'ils comprennent pas telle autre chose, je vais dire, va voir un tel. Moi, je suis plus capable. Puis là, quand tu expliques quelque chose à quelqu'un qui a pas compris, c'est une perte d'énergie pour toi. Non. Si j'explique quelque chose que quelqu'un comprend pas parce que c'est trop nuancé, c'est une affaire de hiérarchie. Oui. C'est vibratoire. Il y a des choses que je comprends, moi, pis c'est normal que les gens ne comprennent pas tout de suite. Que le gars comprenne pas tout de suite. Que lui comprenne pas tout de suite. Mais il y a des gens qui peuvent comprendre puis transmettre. Faut qu'il y ait des relais. Parce que quand je parle d'une façon totalement centrique. Pis les gens sont pas centriques. Fait que le différentiel qui existe entre ma centricité puis le manque de centricité des gens fait que il y a des éclaboussures. Oui. Fait que ça prend des relais. Fait que si une personne

Quand tu parles, si tu parles pis tu t'en vas dans le système pis tu t'en vas dans la grande conscience, là, tu dépenses d'énergie, c'est le fun, parce que là, tu parles toujours de quelque chose de neuf. Mais quand t'es obligé de rester près du noyau, là, tu sais, les choses essentielles que je considère moins essentielles pour la vie, là, les choses saines, niaiseuses, là, tu sais, que t'es obligé de répéter pis répéter pis répéter pis répéter de différentes façons, 50 000 façons. C'est ça. Heureusement que je me rappelle pas ce que je dis, je capoterais. Ah, parler du cosmos, pis là, ça, c'est le fun, ça. Ça meuble l'esprit, ça avance nulle part. Mais comment vivre tout de suite dans la rue, là, dans le bureau, dans la famille, dans le lit, tout ça, là. Ça, c'est ça que je considère essentiel. De temps en temps, je réponds à vos questions, vous donner un petit peu de souffle, pas vous tenir dans cette vibration-là. Parce que le simple, pour moi, c'est facile, mais pour vous autres, c'est moins facile, le simple. Jusqu'à temps que ça devienne facile, le simple. Quand ça devient facile pour vous autres, le simple, là, ça rentre, là. C'est là que vous devenez un canal. Quand vous parlez, on vous écoute, pis c'est ça. Moi, quand on parle, c'est ça. C'est ça. Fait que faut que je ferme ma gueule quand on parle, parce que c'est ça. Que tu veux que je te dise? Fait que quand des gens pourront me parler que ce sera ça, à ce moment-là, les gens pourront parler à d'autres. Fait que là, j'aurais pas l'inquiétude que les gens diront des choses qui sont pas justes, parce qu'ils sont déjà ajustés. Parce que si tu commences quelque chose, si tu commences à former un noyau vibratoire dans une conscience sociale, tu suis cette affaire-là. Ils me parlent, eux autres, quand je suis là. Tel là. Écoutez pas, je sais ce qui se passe dans vos vies. Ah, t'es obligé de toujours ajuster. Ah, tu viens fatigué. Mais mon numéro de téléphone, je ne donne pas à personne. Ma mère était épuisée en fin de semaine, là. On a fait un séminaire. Oui. Fait un séminaire. Téléphone rougit pas. Lundi, j'ai dit lundi après un séminaire, couche-toi pis dors. Pose-toi, va-t'en au vu, va-t'en chez Eaton. Non. Téléphone. Savez-vous qu'est-ce que c'est, 800 téléphones? Ouais. Fait qu'après ça, moi, je suis obligé de la booster, elle. Fait qu'on se booste constamment. Une personne appelle. Elle pense que c'est elle qui appelle. Ben. Moi, je suis même, moi, j'ai pas de ligne. Y a personne qui sait ce que fait. Si elle, y a quelqu'un qui capote l'autre fort, là, à ce moment-là, je vais les appeler. Faut qu'il capote bien fort. Parce qu'il pense qu'il capote. Il y en a eu deux sur ses cinq, donc, bien capoté. Là, il capote plus. Fait qu'il faut hiérarchiser l'énergie. Ah, il y en a où l'énergie est hiérarchisée dans le domaine du spirituel, de l'astral, des illusions, de tout ça. Il y en a d'autres au niveau de la psychologie, puis c'est très important en psychologie. C'est à peu près temps que ça commence à se hiérarchiser dans le domaine de la psychologie. Vous savez quels accords? Il y en aura d'autres. Mais il faut qu'elle me comprenne. Si elle me comprend pas, elle peut pas passer l'énergie. Fait que tant qu'elle me comprend pas, j'attends. Quand elle me comprend, je continue. Parce que vous allez comprendre un jour que quand des gens vous comprennent, c'est un grand plaisir. Un maudit grand plaisir. Peut-être le plus grand plaisir que l'homme peut avoir. Parce que quand t'es conscient de l'intelligence supramentale, t'es plus intéressé à ce que tu sais. T'es intéressé à faire passer l'énergie. S'il y a des gens qui en font passer l'énergie, t'es content. Plus ça va, mais plus il y a des gens qui me comprennent. C'est pas ça qui ont la vibration pour la parler, ce qu'ils savent. Tant mieux. Il s'agit pas de me comprendre. Il s'agit de savoir ce que je veux dire. Quand des gens savent ce que je veux dire, automatiquement ils se comprennent. Quand ils comprennent, ils peuvent le parler. Quand ils parlent, ça continue. Il y a le jeu. Tout bon. Moi, ça fait 10 ans qu'il me parle. J'ai tout. Ça arrête jamais. C'est infini à conscience. Je vous dis, c'est infini. Mais la clé à la conscience, c'est la vibration. Quand les gens sont capables d'écouter vibratoirement et non psychologiquement, là, à ce moment-là, ça grandit. La psychologie, elle se développe. C'est une structure, la psychologie. T'emploies des mots, t'es mets d'une certaine façon, tu développes des théories, tu peux pas aller voir quoi. Mais faut que t'aies la vibration.

Quand vous allez savoir ce que vous savez, vous allez savoir comprendre ce que vous savez. Quand tu comprends ce que tu sais à ce moment-là, t'es plus intéressé à comprendre rien. C'est là que tu comprends tout. C'est très puissant, la conscience supplémentaire. Les forces ennemies sont très grandes. Grandissent, puis à un certain moment, paf! Quand ça va descendre sur le plan matériel, ces forces-là, à ce moment-là, les gens vont pouvoir passer d'un plan d'un niveau vibratoire à un autre. En attendant, il s'agit de descendre dans la rue puis vivre nos vies. Il dit de te payer notre 10 piastres. Fais ta faute. Il y a quelque chose que j'aimerais, sur lequel j'aimerais que tu reviennes pour sur le temps. Moi, il faut que je suis souvent pogné avec ça. C'est que je suis pogné pour prévoir des choses. C'est ça. Tu peux prévoir des choses du moment que tu n'es pas pogné dans la forme de la prévision. Tu peux prévoir, me donner un exemple. Supposons que tu vas aller en voyage d'hydrogène. Tu planifies ton voyage. Le mieux possible pour pas avoir de comeback. Pour avoir un beau voyage. Mm-hmm. Prévoir, c'est servir de son intelligence en relation avec les données qu'on a à la main. Mais ça, c'est pas être pogné dans le temps. C'est se servir de notre intelligence. Être pris dans le temps, c'est quand on trouve ça long. Quand les choses avancent pas. On a hâte que le voyage arrive. On a hâte que le voyage arrive. Ça, c'est être pris dans le temps. Avoir hâte d'évoluer. Ça, c'est être pris dans le temps. Pis c'est ça qu'eux autres vont vous amener à détruire. C'est là que se développe en vous la patience. Parce qu'une fois que vous avez la patience, vous devenez inébranlable dans votre esprit. Mais quand je suis poigné pour prévoir des choses dans 2-3 mois, je sais pas comment ça va être dans 2-3 mois. Je suis poigné pour le prévoir tout de suite. Tu sais, faut que... Prévoir, c'est construit dans le temps. Tu construis dans le temps. Puis je vais te dire une chose. Si tu construis dans le temps, la construction sera jamais exactement comme tu t'en attendais. Mais ça donne une structure avec laquelle tu peux t'identifier pour parcourir ce temps-là d'une façon plus facile. Mais il faut pas que tu t'accroches à la forme. S'accrocher à la forme de prévoir, c'est programmé. S'accrocher à la forme de prévoir, c'est programmé à l'intérieur d'une structure dont tu penses, toi, est efficace ou non. Oui. Mais lui, son problème, c'est pas ça, c'est qu'il a de la misère à prévoir. T'as de la misère à prévoir? Je comprends. Si moi, il faut que je prévoie qu'au mois de juillet, faut que je sédule mes vacances, comprends-tu? Mais ouais. Je viens qu'au mois de mars. Ouais. J'arrive au mois de juillet, puis là, ça fait pas mon affaire, mais là, je suis pogné avec, parce que peut-être que j'ai sédule au mois de mars. Mais là, au mois de juillet, la situation a changé. Ouais. Là, ça fait plus mon affaire, c'est vrai. Je voudrais les changer de place, mais là, je peux plus. Je connais ça. De faire un, je suis pogné. Aussi. Bon, il dit à ce moment-là, laisse-toi une porte de sortie. Prévois, mais... Pas d'une façon finale. Oblige-toi pas. Pas d'une façon finalisante. Fait que tu partiras pas autant. Mmh. C'est la relation émotive, là. Pardon? Parce que là, on va commencer à être inquiet que demain, on va être inquiet. Bon, ça, c'est la prochaine fête qui vient. Ouais. C'est vrai. Ah, c'est comme que c'est bien, ça va. On s'inquiète de demain, fatigué. Mmh. On se sent plus fatigué à l'idée de se dire, il est tard, on est fatigué, on se fatigue, mais plus ça vient. Ah, c'est là qu'on se fatigue. On se programme. Bon, c'est pas grave. Programme, fait. Automatiquement, notre corps physique est plus fatigué qu'il sera parce que notre corps astral lui enlève de l'énergie. Hey, moi, je dis une personnalité, tu vois, j'explique ça au monde. Parce que je suis pas très sûre dans l'explication, là. Moi, je dis, tu sais, t'as les corps, là, mettons les quatre corps, là, physique, éthérique, astral et mental. C'est comme des couches de pure d'oignon autour de l'âme. OK? De qui serait comme l'âme, c'est la lumière, qui est emprisonnée par l'ego. Ces quatre corps-là, ça forme l'ego. Mais la proportion des quatre corps entre elles, c'est la personnalité. C'est pas bête, pas en tout. Je dis, c'est comme quand tu prends des œufs, de la farine, puis du lait.